La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La vie et la mort traversent l'œuvre de Maurice Genevoix. C'est aussi simple que cela, de cette simplicité qui a la force de l'évidence. La mort, ou plutôt les morts, ce sont celles de sa mère alors qu'il avait 12 ans, celles de sa première femme après seulement 2 ans de mariage et celles de tous ses camarades tombés au front de la Marne, de Verdun et de Calonne. La vie, c'est tout le reste, ce qu'il a construit malgré ou avec cela, comme nous l'avait raconté hier Aurélie Luneau dans une émission à retrouver sur franceculture.fr. Demain, c'est justement de la forêt, des bêtes et du sentiment qu'avait Genevoix de faire partie d'un monde vivant plus grand que lui dont nous parlera Jacques Tassin. Tandis que jeudi, c'est un Genevoix peintre et ami des peintres que nous découvrirons avec Anne-Marie Royer-Pantin, avant que Julien Larère Genevoix, le petit-fils de l'écrivain, ne vienne évoquer notamment son livre Rabolio, prix Goncourt de l'année 1925. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler des écrits de guerre de Maurice Genevoix, nous sommes avec Michel Bernard, auteur d'un roman historique sur Jeanne d'Arc intitulé Le Bon Cœur et qui reparaît en janvier prochain aux éditions de La Table Ronde. La Table Ronde où vient de reparaître aussi son essai manifeste intitulé Pour Genevoix. Il a enfin préfacé Ceux de 14, cet ouvrage qui regroupe la plupart des récits de guerre de Genevoix dans l'édition de poche GF Flammarion et dont voici pour commencer un extrait en longueur. Le plus dur de l'épreuve, ce qui a fait nos soldats vraiment héroïques, c'est la boue. La boue dans quoi nous avions vécu tout l'hiver, la boue que les premiers soleils avaient commencé à sécher, mais qui avait réapparu à la veille de notre attaque plus épaisse et gluante que jamais. On eût dit pour que nous nous retrouvions nous-mêmes, fangeux des pieds à la tête, à l'heure où nous pouvions mourir. Des cartouches terreuses, des fusils dont le mécanisme englué ne fonctionnait plus. Les hommes pissaient dedans pour les rendre utilisables. Nous avons perdu 2 fois des tranchées prises parce qu'il était impossible d'arrêter les boches par le feu. Ils arrivaient tranquillement à 20 mètres. Plus près encore, lançaient des grenades et tiraient sur tout homme qui se montrait jusqu'à ce que la position devint intenable. Quand ils s'y étaient réinstallés, les nôtres contre-attaquaient. Le 3, le 4 avril, nous tenions déjà les tranchées, tous les hommes en ligne la nuit. Ils se sont reposés un peu dans la journée du 4, c'est tout. Le 4 au soir, ils étaient tous là-haut. Ils y sont restés de la boue jusqu'aux cuisses pendant 150 heures consécutives. Et toujours les obus pleuvaient. Les canons revolvers de Combre démolissaient les parapets que nous refaisions inlassables avec les mêmes sacs à terre. Par crise, les gros arrivaient. Il en tombait 100, 200, qui ne faisaient point d'autre mal qu'ensevelir quelques hommes vite dégagés. Mais tout d'un coup, il y en avait un qui trouvait la tranchée et qui éclatait en plein dedans. Alors c'étaient les mêmes cris que naguère, les mêmes hommes qui couraient ruisselant de sang frais et rouge, et tout autour de l'entonnoir brûlé, empli encore de fumée puante, les mêmes cadavres déchiquetés. Cette première lecture était dans la voix de Philippe Dérès. Bonjour Michel Bernard. Bonjour. Ceux de 14, dont on vient donc d'entendre un extrait. C'est le récit des 8 mois de guerre de Maurice Genevoix. C'est un récit, ça n'est pas un roman, et pourtant on a tendance à confondre un petit peu ces deux genres en ce qui concerne ce livre de Maurice Genevoix. Oui, parce qu'il utilise des procédés romanesques pour rendre son récit vivant, il utilise des moyens littéraires. Donc on conclut rapidement que ce témoignage est un roman. Ce n'est pas le cas. Tout y est absolument exact. Ça n'est pas un roman parce qu'il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de leçon non plus. Non. Non, il n'y a pas de morale. Ça se termine sur le petit soleil, sur la photo. Qu'en reste-t-il ? Non. Il y a une sorte de d'effroi qui monte et qui touche son apogée aux éparges, voilà, dans cette bataille effroyable. Et en même une stupéfaction et en même temps une immense tendresse à cause de la souffrance et il souffre et il est témoin de la souffrance des autres. Est-ce qu'il y a une protestation? Oui. Ah oui, alors il y a une très protestation, il y a une immense protestation contre la guerre elle-même, contre l'abomination de la guerre. Et puis il y a des protestations locales contre l'état-major par exemple qui les envoie à la boucherie. Contre les officiers qui sont à l'arrière, contre tous ceux qui sont à l'arrière, y compris les civils qui sont à l'arrière. Y compris les civils. Y compris les civils. On ne les comprend pas. Ils sont les sacrifiés. Ceux qui sont devant. La ligne de fantassins qui est dans la première tranchée, qui reçoit les obus. Les téléphonistes derrière, les artilleurs, ils sont moins exposés. L'état-major, presque pas. Non, c'est cette poignée d'hommes qui sont devant, qui sont les sacrifiés. Et pour vous, Maurice Genevoix, c'est le grand mémorialiste de la guerre de 14. Oui, pour une raison. Alors, ça peut être subjectif. Il y a beaucoup de grands textes de caractère littéraire sur la Grande Guerre, de gens qui l'ont faite, qui sont eux aussi des témoins. Ce qu'on peut dire d'objectif sur Genevoix, c'est que c'est le témoignage le plus précis, le plus détaillé, le plus volumineux, parce que le livre fait près de 900 pages, et c'est sur 8 mois de guerre. Très souvent, les auteurs ont écrit un livre, parfois deux, et souvent ils ont fait 2, 3, 4 années de guerre. Alors que là, il y a 4 récits, voire même 5 en réalité. Oui, Les Éparges, qui durent sur une période assez étroite, fait un volume complet, le dernier. Le premier volume couvre une période assez brève, 3 semaines. Donc c'est Verdun... combat. Sous Verdun. Sous Verdun, Nuit de guerre, La Boue, Les Éparges. Et puis il y a donc aussi celui qui s'appelle Au seuil des Guitounes, oui, qui n'est pas là dans ceux de 14. Pour quelle raison? Il l'a fondu. Je pense qu'il trouvait le titre un peu trop pittoresque. Parce que plus il s'éloigne de la guerre, de son souvenir, et plus c'est douloureux. Donc Au seuil des Guitounes a quelque chose qui existait dans cette guerre, du pittoresque. On trouve beaucoup de traits d'humour dans ceux de 14. Mais il l'a fondu, il n'a pas conservé ce titre. C'est beaucoup de pages, ceux de 14, et pourtant, alors qu'on pourrait croire que Genevoix en avait fini de raconter sa guerre, à la fin de sa vie, il y est revenu avec un nouveau livre qui s'appelle « La mort de près ». Oui, qui a un titre et une dimension métaphysique, quasiment avouée, même si le terme n'est pas dans le vocabulaire habituel de Genevoix. Il a à ce moment-là passé les 80 ans, il s'apprête lui-même, il se prépare à mourir, il ne sait pas combien de temps il lui reste à vivre. Il n'est pas certain qu'il arrivera, ce qui va être le cas à 90 ans. Et donc ce petit livre est un livre pour se préparer à la mort et en même temps pour léguer à ceux qui ne sont pas des anciens combattants son expérience de la mort. Et ce livre a quelque chose, il est évidemment douloureux, il est assez fascinant par la beauté de l'écriture. C'est écrit à l'os, on a l'impression d'un texte romain. Mais il est écrit pour dire aux gens, j'ai vu la mort de très près. Et vous savez, la vie, c'est aussi la mort. La mort, c'est aussi la vie. Il dit dans les dernières lignes qu'il a semblé percevoir au moment de certaines agonies de ses camarades, il a vu 100 hommes mourir de près, c'est-à-dire qu'il les a tenus. C'est très rare. Peut-être qu'un médecin a cette expérience-là, mais il l'a avec des personnes souvent âgées ou au terme d'une longue maladie. Mais lui a vu des hommes qui étaient près de lui, sains, de 20 ans, forts, en pleine santé, et quelques secondes après, agonisant. Mmh. Il a eu cette expérience-là une centaine de fois. Et il dit qu'il a le sentiment qu'après, il y a quelque chose. Il ne sait pas quoi, mais il y a une lumière, il y a quelque chose. Le dernier mort de la mort de près, c'est ce capitaine qui se fait tuer stupidement d'ailleurs, parce qu'il a un comportement au front qui est stupide, il s'expose. Le capitaine Maignan, dans le livre, c'est pas son vrai nom, il agonise pendant quelques minutes avant de mourir. Et les derniers moments de cet homme, il souffre énormément. Tout d'un coup, il ne souffre plus. Il est encore conscient. Enfin, il perd conscience, mais il est encore vivant. Il ne souffre plus. Et son visage, le masque de son visage se détend. Il dit « Ma mère » et il a un sourire qui lui vient sur les lèvres. Et il meurt. Et Genevoix, ces mots magnifiques, il dit, il meurt entièrement blotti, remis. Je n'ai jamais très bien compris ce qu'il voulait dire par remis. Mais je ne le comprends pas, mais je le sens. Vous voyez et on a le sentiment, à la mort de près, après avoir lu La mort de près, qu'il y a, que c'est rassurant, il y a quelque chose. Mais d'ailleurs, Genevoix, quand il croit qu'il va mourir par deux fois, une première fois parce qu'une balle touche son bouton, ce qui finalement le sauve, puisque la balle ne traverse pas son vêtement, et une seconde fois parce qu'il reçoit dans le bras trois balles qui font qu'il est vidé progressivement de son sang. Et il raconte bien qu'il y a quelque chose de très calme finalement, oui, dans ce sang qui s'écoule et la vie qui s'échappe de lui. Et alors que c'est quand même quelqu'un qui aime la vie et qui ne va pas cesser de dire qu'il aime la vie, il n'y a pas une résignation, mais enfin quelque chose de très doux dans la manière dont il le raconte et dont il le vit. Une forme de douceur, oui. Et d'ailleurs, il regarde autour de lui les gens qui se penchent sur lui et il voit sur eux la masque de l'effroi. Ils sont effrayés de le voir couvert de sang et ils pensent qu'il va mourir. Et lui n'éprouve pas cet effroi, il a une souffrance physique, mais moralement il a une certaine sérénité, il a une sorte de glissement et perdant son sang, il perd petit à petit sa sensibilité. Mais en revanche, cette sorte de conscience supérieure reste flottant au-dessus des choses. Il a même le sentiment à un moment donné de se voir depuis le ciel, de se voir d'en haut. C'est assez troublant. Je crois que ça compte beaucoup ensuite pour la sérénité qui va imprégner son œuvre et dont il va le faire face alors qu'il va avoir beaucoup d'événements pénibles dans son existence. Mais il va conserver constamment une certaine gaieté certaine, une joie de vivre, on peut le dire ainsi. Oui. Avec toujours cette idée qu'il vit en sursis depuis 1915. Oui. Oui. Lorsque ce miracle, cette balle qui frappe son bouton, il croit qu'il est tué, qu'il va mourir, qu'il est blessé au ventre, qu'il va mourir dans toute souffrance, et il est un rescapé. Oui. Alors ce livre, La mort de près, vous l'avez préfacé, il est disponible dans la collection La petite Vermillon de La Table Ronde, et donc on le disait, c'est un livre qui vient bien bien après ceux de 14, mais qui reprend évidemment les mêmes ingrédients, simplement il y a une vie qui s'est écoulée entre les deux livres, et donc c'est un livre qui ne s'adresse pas aux mêmes personnes, peut-être parce que le monde a changé quand il paraît. Il s'adresse aux lecteurs du début des années 70, de tous âges, tous mortels. Et il dit, vous voyez, moi je suis passé par des épreuves effroyables, j'ai vu la mort de près, et vous savez, n'ayez pas peur. Est-ce qu'il est écrit de la même façon? Parce que là aussi, il y a une vie d'écrivain entre les deux. Et puis, il n'y a peut-être pas la même exigence d'écrire à l'os, comme vous le disiez tout à l'heure, Michel Bernard, qu'au moment où finalement on sort à peine de cette guerre et ce serait un petit peu de l'impudeur que de faire du style en racontant les tranchées. Vous avez raison. Ceux de 14, c'est clairement un ouvrage à caractère thérapeutique pour Genevoix. Il se vide de la sanie de la guerre. Et en même temps, il est un jeune homme et il va recommencer une autre vie. Puisqu'il envisageait de devenir professeur, il voulait enseigner à l'étranger, c'est fichu, il refuse de passer l'agrégation dans les conditions que vous avez rappelées l'année dernière, révolté, c'est un révolté, hein. On ne le mesure pas parce qu'on voit cet homme académicien, etc., mais à l'issue de la guerre, c'est un véritable révolté. Hein. Il claque la porte de l'école normale supérieure, il claque la porte de l'éducation nationale, il démissionne et il repart chez son père au bord de la Loire, dans la maison de son enfance, et il se claque mur. Et il écrit. Il se soigne, oui, effectivement. Ainsi, à l'instant même où je voyais ce trou sur ma poitrine, j'entendais la voix de Sansois, mes sous-lieutenants. Mais vous ne le voyez donc pas? C'était de moi qu'il s'agissait. Moi que soulevaient des bras précautionneux. Mon souffle faisait un bruit bizarre, rauque et doux. Le ciel entre les branches hautes se colorait de rose et de vert tendre. Dans l'abri où j'étais étendu, des silhouettes sombres allaient et venaient dans le cadre ensoleillé de la porte. Parfois, un coup de lumière éclairait en plein un visage, aussitôt reconnu, proche, émouvant, parce que je savais que je le quitterais bientôt, que j'allais le laisser dans un monde qui n'était plus le mien, et que j'en avais de la peine. un besoin de parler, de dire mon attachement quand même, mon regret de renoncer par force à notre camaraderie, de promettre ma fidélité, me rendait étrangement volubile, incapable de réprimer ce flot de mots qui me montait du cœur aux lèvres. Mes agents de liaison étaient là, mon ordonnance, Mounot, qui se penchait vers moi. Ces hommes, ces camarades me semblaient hors bourg, silencieux. Mon chef de bataillon venait d'entrer, s'approchait. Quelle contrainte sur son visage! Je lui parlais, incoerciblement, je lui disais « Vous voyez, mon commandant, c'est mon tour. Combien sommes-nous des premiers jours? Vous m'aviez dit après les éparges, vous, jeune voix, vous êtes intuable. Et vous voyez ?» Il se contraignait à sourire. Je percevais cette contrainte et je m'en demandais la cause. La compagnie des œuvres sur France Culture, nous parlons de la guerre de Maurice Genevoix. Avec vous, Michel Bernard, et c'était le moment, bien sûr, où Maurice Genevoix reçoit donc dans le bras ces balles qui signent pour lui la fin de la guerre. Et on entend très bien qu'il n'a pas tellement envie de partir, en fait. Il n'a pas envie de quitter ses camarades. Il n'a pas du tout. Non, c'est sa famille. Il n'existe plus rien pour lui à ce moment-là. Que les hommes avec lesquels il faisait la guerre, avec lesquels il subissait la guerre. C'était sa famille. Il a un don d'empathie très, très grand, et les souffrances partagées, le fait qu'il soit officier, à ce moment-là, il commande une compagnie, il est responsable de ces hommes, et il a le sentiment de les abandonner. Ça prouve aussi que j'allais dire Junger, parce qu'on va parler de Junger aussi, que Genevoix, ça n'est pas, malgré ce qu'on pourrait croire, réellement un pacifiste. C'est-à-dire que s'il faut faire la guerre, il la fera. Bien sûr, il était un excellent soldat. C'est un officier de hors pair, très bien noté d'ailleurs par ses supérieurs. Et on lui confie à commander une compagnie, hein, alors qu'il est normalien, c'est pas un soldat de métier. Mais il est devenu, c'est devenu son métier. Genevoix, son état d'esprit, c'est celui d'un artisan. Il était artisan-écrivain, il faisait du mieux qu'il pouvait. Il aurait été cordonnier, il aurait fait des chaussures du mieux qu'il pouvait. Il est soldat du mieux qu'il peut. Il est artisan soldat. Il est artisan, on peut le dire comme ça, oui. Il s'applique à bien faire son métier. Et son métier, c'est d'abord de s'assurer de la sauvegarde de ses hommes. Mais quel est le rapport à l'Allemagne? Quel est le rapport à l'ennemi? Est-ce qu'il faut anéantir l'ennemi ou est-ce que finalement Genevoix se dit mais c'est pas possible cette guerre, à quoi ça sert finalement de se tuer alors qu'on a en face de nous des hommes qui nous ressemblent? Eh bien il faut arriver à penser les deux en même temps. Voilà. Il essaie de tuer les Allemands qui sont en face de lui d'ailleurs, parfois, et ça va le hanter toute sa vie. Il en tue, de très près, et en même temps, il trouve ça ignoble. Mais il faut le faire. Donc c'est la France qui compte ou c'est la camaraderie des hommes avec qui il vit dans les tranchées? Qu'est-ce qui le motive profondément? C'est la France. Incontestablement, comme tous les Français mobilisés, il défend son pays, il se bat dans la Meuse. Hein. C'est-à-dire que les Allemands sont sur le territoire national, occupent une partie du territoire national. Il est né en 1890, 20 ans avant, les Allemands ont annexé l'Alsace et une grande partie de la Lorraine. Il se trouve à 30 kilomètres de Metz, qui était une ville française depuis 1000 ans. Il défend son pays. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'a pas d'état d'âme. Il faut le faire. Hein. Alors de l'autre côté, il y a un autre écrivain, c'est Ernst Junger. Et là, il faut raconter quand même cette chose extraordinaire, qui est que Junger a été blessé au même endroit, c'est-à-dire vraiment à quelques mètres, hein, probablement, de Maurice Genevoix, le même jour que Maurice Genevoix. À la tranchée de Calonne, oui. Le 24 et 25 avril, Genevoix, le 106e régiment d'infanterie auquel appartient Genevoix, qui était au repos, est rappelé en hâte parce que les Allemands ont percé le front à la tranchée de Calonne sous les éparges. Et donc, il faut boucher le trou. Et dans des endroits où il n'y a plus de tranchées, il faut se cacher derrière des arbres, des fourrés. Et donc, Genevoix vient faire le tampon, là. Et dans la ruée allemande qui arrive sur eux, il y a Ernst Junger, c'est son premier combat. Donc le jeune Ernst Junger, qui a 18 ans, se précipite, le Moser à la main, la baïonnette au canon, vers la ligne d'infanterie de Genevoix. Et il va écrire ce roman, Orage d'acier, qui est assez différent finalement de ceux de 14. Pas simplement parce que c'est un Allemand qui écrit d'un côté et un Français qui écrit de l'autre, mais parce que dans Orage d'acier, on a l'impression qu'il y a un rapport à la guerre, un rapport à la mort qui est finalement beaucoup plus sensuel, beaucoup plus érotique et même beaucoup plus nietzschéen. Junger va vers la mort presque en souriant. C'est pas tout à fait le cas quand même avec Genevoix, non? Non. Alors, je crois qu'il faudrait faire une, il faudrait éviter de faire l'erreur de la psychologie des peuples. L'Allemand d'un côté, le Français de l'autre, oui. Le Français humaniste, l'Allemand. Oui. Non, il faut d'abord voir que Junger est un vaincu et qui souffre d'être un vaincu. Et Genevoix est victorieux. Il est alourdi de tous les morts. Il a perdu l'usage d'un bras, mais il est victorieux. Donc il est généreux. Le vaincu est amer. Et Orage d'acier est l'ouvrage d'un homme amer. Il s'est battu pendant presque 4 années. Il s'est d'ailleurs courageusement battu. Et son pays est occupé. Vous savez si l'un et l'autre se sont lus mutuellement ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans le cas de Junger, je pense qu'il est probable. Parce que Junger était très curieux d'abord de culture française, hein, de la littérature française, et il a bien dû voir que ce Genevoix était aux éparges en même temps que lui. Mais je n'ai jamais vu de trace d'une lecture de Genevoix chez Junger. Et dans le cas de Genevoix, je ne suis même pas sûr qu'il ait lu Junger. Genevoix, je crois, a conservé à l'égard de l'Allemagne, notamment et peut-être en particulier à cause de la Seconde Guerre mondiale, une réticence. Mmh. Alors, il faut dire que Bernard Maris avait écrit un livre justement sur ces deux écrivains, Genevoix et Junger. Peut-être y avez-vous jeté un œil, Michel? Oui, bien Bernard. Sûr. Bien sûr, j'en ai beaucoup parlé avec Bernard lorsqu'il écrivait ce livre, qui était d'ailleurs un projet commun qu'il avait avec Sylvie Genevoix, la fille de Maurice Genevoix. Qui était donc sa femme. Qui était sa femme et qui est morte alors qu'ils allaient mettre en œuvre leur projet. Je prends les éparges. Bon. Un front de colline, 1200 mètres à peu près. Là-dessus, entre le 17 février et le 10 ou 11 avril 1915, il est tombé 10 000 morts de chaque côté des tranchées. 10 000 Allemands, 10 000 Français à peu près. Ce qui donne 20 000 morts pour 1 km en gros, c'est-à-dire 20 morts au mètre courant. Alors, nous étions rodés, nous étions blindés, c'est-à-dire qu'il y avait un pied qui dépassait de la glaise, on accrochait sa musette ou son équipement en passant. On s'asseyait sur des boursouflures du sol qui faisaient un peu banquette, mais on savait que sous 10 cm de glaise, c'était un mort sur lequel on s'asseyait. Mais malgré cette familiarité, ou à cause d'elle, eh bien, on avait le sentiment que nous étions vraiment condamnés à mort. Alors, quand j'ai voulu déposer, j'ai tenu absolument à me mettre, d'instinct d'abord et ensuite d'une façon tout à fait délibérée, à me mettre au service d'une vérité, bonne à dire, pour des quantités de raisons, et d'une réalité, parlons littérairement, n'est-ce pas, par elle-même tellement intense, tellement tragiquement, mais colorée, tellement, vous comprenez, pathétique au point de vue littéraire même, que c'était pas la peine de fabuler, que c'était pas la peine d'arranger, que c'était même coupable, que tout mot est fait, tout, vous comprenez, c'était gauchir, c'était mentir dans une certaine mesure. Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Alors, Alors le récit de ce 14 commence au moment du départ de Genevoix de Chalon-sur-Marne vers la vallée de la Meuse avec son détachement du 106e régiment d'infanterie. Est-ce que c'est un écrivain qui part à cette époque-là ou est-ce que c'est simplement un élève de l'école normale supérieure et qui prend des notes pour lui? C'est un élève de l'école normale supérieure. Il n'a pas eu tout le projet d'écrivain. Il veut être professeur, ce qui est la vocation normale d'un normalien. Mais c'est le directeur de l'école normale supérieure, Lavis, le grand historien, qui avait donné instruction à son collaborateur immédiat, le secrétaire général, Paul Dupuis, de demander à chaque élève, y compris les élèves scientifiques, mathématiciens, physiciens, d'écrire régulièrement à l'école pour raconter ce qu'il voyait. Et pourquoi ? Lavis est historien. Les archives, c'est essentiel. On savait très bien que dans les journaux, il le savait, il n'aurait pas la vérité. En revanche, dans la lettre de jeunes gens qui étaient l'élite de la nation, qui maîtrisaient parfaitement l'expression écrite, ils auraient la vérité. Et il est probable que, il est certain même que Dupuis et Lavis étaient mieux informés sur la réalité de la perception de la guerre par les soldats que l'état-major lui-même, grâce aux lettres qu'il recevait de tous ces soldats qui étaient sur toutes les parties du front, de l'Isère jusqu'aux Vosges. Il y avait des normaliens, et qui étaient en différentes armes, certains dans l'infanterie, des scientifiques dans l'artillerie ou le génie. Donc ils avaient toutes les perceptions possibles de début de la guerre. Et Dupuis agissait comme ça, comme un distributeur d'informations. Il faisait vivre un réseau épistolaire en informant les élèves de la disparition de tel ou tel, en donnant des nouvelles de tel autre. Et c'est vraiment devenu un catalyseur finalement. Oui, il n'a plus vécu que pour cela. Il allait voir beaucoup des élèves blessés et rapatriés à Paris. Certains d'ailleurs dans l'école elle-même, qui était transformée en hôpital. Il allait les voir. Il allait voir les compagnes de ceux qui étaient tués. Et il y en avait beaucoup. Et il y en avait beaucoup. Énormément. Énormément. C'était effrayant. Absolument effrayant. Et il faut imaginer Lavis, Dupuis et aussi Lucien Herr, le bibliothécaire de l'école, consternés. Chaque jour, ils apprenaient la mort d'un de leurs élèves. Ils voyaient disparaître l'élite de la nation. Donc, Paul Dupuis passe ses journées à écrire. Parfois, c'est évidemment très difficile pour lui parce qu'il vit dans l'angoisse quand il ne reçoit pas de réponse à ses courriers. Et ça, on le découvre bien dans la correspondance que vous avez fait paraître aussi à la table ronde. Cette correspondance qui va du 28 août 14 au 30 avril 2015 entre Paul Dupuis et Maurice Genevoix. C'est surtout les lettres de Dupuis, d'ailleurs, parce que probablement que Maurice Genevoix n'avait pas tellement le temps d'écrire. Non, évidemment, il écrivait quand il pouvait, alors que Dupuis lui écrivait quasiment presque tous les jours, quoi. Et les lettres de Dupuis étaient de plus en plus longues, et on s'aperçoit d'ailleurs que Dupuis est un excellent écrivain. Et il y a une sorte de comment dirais-je, de tout d'un coup de le niveau hiérarchique change. À partir du début de l'hiver, le dominant dans l'histoire, c'est l'élève. Parce que Dupuis se rend compte que la force littéraire de Genevoix, du jeune Genevoix, qui a 24 ans à ce moment-là, est supérieure à sa propre capacité d'expression, qui est remarquable. Mais alors là, Genevoix n'est toujours pas écrivain. Il ne prévoit toujours pas de publier ce qu'il écrit et ce qu'il envoie à Dupuis. Non, mais Dupuis, lui, il le sait. Dupuis sait. À partir dès le mois d'octobre, dès la fin de l'automne, Dupuis sait que Genevoix est un écrivain et qu'il est une grève de grand écrivain. C'est son meilleur élève, parce qu'alors du coup, il reçoit tous les témoignages de tous les élèves normaliens. Oui, il avait repéré le jeune Genevoix qui avait un physique agréable et puis qui était toujours joyeux, très vif d'esprit, etc. Et puis il avait rendu son mémoire sur Maupassant, le réalisme chez Maupassant, c'est déjà le réalisme. Et il avait eu la meilleure note, donc il était classique, il était le premier. Oui. Donc il était repéré, mais c'est en lisant les lettres qu'il s'est aperçu que celles que les plus expressives, les plus fortes, les plus impressionnantes étaient celles de ce jeune Genevoix. Et donc il cultive la relation et il s'aperçoit que son intuition, sa impression première, est confirmée par les lettres qu'il reçoit. Au mois de décembre, il reçoit une vingtaine de feuillets qui sont le début de ce 14, quasiment mot pour mot. Bon, l'écrivain existe déjà. Genevoix ne le sait pas encore. Et Genevoix il ne fait pas deux choses à la fois. Il ne le veut pas encore. C'est ça. Il est soldat. Il refuse finalement d'être écrivain, y compris après sa blessure, alors qu'il sait qu'il ne retournera pas au front. Eh oui. Alors, il le sait pas encore. Il espère. Genevoix, il a été grièvement blessé au bras. Il a l'artère du bras gauche qui a été sectionnée en deux parties. Mais il espère, un, d'abord, qu'on ne lui coupe pas le bras. Deux, retrouver le plus vite possible les fonctions de son bras, ce qui n'arrivera jamais. Heureusement, c'est la main gauche pour pouvoir heureusement, écrire. C'est la main gauche. Voilà. Et son obsession, c'est de repartir au front, hein, de retrouver sa famille, de retrouver ses camarades, de reprendre sa place sur le front. Alors que l'obsession de Dupuis, c'est qu'il se mette à écrire très vite. Parce que la convalescence sera très longue et il ne pourra jamais se réengager d'une autre manière, soit à l'arrière, soit... Il va rester soldat jusqu'à la fin de la guerre, il signera le lieutenant Genevoix, il portera l'uniforme, mais il sera employé, à la fin de l'année 15, il aura renoncé à repartir sur le front, et il se rendra utile en travaillant dans une association qui préparait l'accueil des soldats américains. Alors comment ça se passe la publication? Parce que à partir du moment où l'auteur ne veut pas publier, comment est-ce que il se fait finalement éditer? Les lettres de Dupuis sont amusantes parce qu'au début il encourage Genevoix, il le flatte en lui disant mais si tu as le talent, etc. Il le faut. Genevoix refuse. Et puis à la fin, Dupuis redevient comminatoire. Il use l'argument hiérarchique. Tu es élève de l'école supérieure, tu dois le faire. Pense à tes camarades, etc. Et finalement, Genevoix, il ne cède pas d'ailleurs, depuis du temps à un guet-apens. Un jour, du mois de décembre 1915, Genevoix est à Normalsup, et depuis lui dit, viens, on va aller voir un de mes copains, Breton, qui est directeur chez Hachette. Et c'est un camarade de promo. Et il s'arrête là, et là, ils échangent quelques mots, puis Breton sort un contrat du tiroir, et c'est le contrat pour Souverdin. Et alors Genevoix refuse de signer et Dupuis lui dit si tu dois signer. Et c'est au moment où il signe qu'il réalise que pour lui la guerre est finie. Oui, alors là il sait que son bras gauche ne refonctionnera jamais, non, là il a renoncé. Et donc il faut bien le percevoir, Souverdin est un livre de guerre, mais c'est un livre qui fait la guerre. Il témoigne de la réalité de l'engagement des combattants français. Au moment où il écrit et surtout, pareil, sous Verdun, on est en pleine bataille de Verdun. Les Allemands essaient de percer le front et on se demande si on va tenir. Il y a une grande angoisse dans le pays. Donc, sous Verdun est en même temps un témoignage de la réalité de la guerre, mais en même temps un témoignage sur la résistance du combattant français. Et un témoignage qui est lu sur le front, est-ce qu'on le sait, ça? Oui, ah bah oui. Il est lu sur le front par ses camarades. D'abord, il envoie un exemplaire à son commandant, à son adjoint, et c'est lu sur le front. Il reçoit de la correspondance. Il correspond pendant toute la guerre avec ses camarades qui sont restés sur le front, notamment son adjoint d'Ast. Mais alors, comment c'est perçu? Parce que, évidemment, il y a beaucoup de familles de soldats disparus qui reconnaissent leurs enfants dans les pages de Genevoix. Non, parce qu'il a masqué les noms. Mais il y en a qui le reconnaissent quand même. Non, alors, il n'y en a qu'un qui est identifié, c'est Porchon. Hein, il porte son véritable nom. Et d'ailleurs, sa mère est à la fois... La relation entre la mère de Porchon et Genevoix va s'aigrir. Parce que la mère de Porchon reproche à Genevoix de faire parler son fils comme un charretier. Porchon est un bourgeois. Et il parlait comme un soldat. Il ne parlait pas comme ça en famille. Et donc, la mère ne reconnaît pas son fils. Et elle reproche à Genevoix de mettre des mots... qui n'était pas convenable. Ça pose toute la question de la réception de ce livre-là. Bon, il y a la réception, évidemment, des Français, des personnes qui, comme Madame Porchon, sont concernées par le texte lui-même. Mais le texte devient un objet littéraire et il devient jugé comme tel par un certain nombre de personnes. On peut peut-être dire un mot sur André Gide, par exemple, et la façon dont il ne va pas lire peut-être comme il faudrait ceux de 14. Ça dit beaucoup d'André Gide et aussi de Genevoix. Genevoix, pour Rémy Desroches, a reçu le prix Blumenthal, prix très important, qui était réservé à un ancien combattant. Et dans le jury, il y avait Proust, Colette, il y avait les meilleurs écrivains de l'époque, et il y avait Gide. Donc Genevoix, c'est le début des années 20, va rendre visite à tous les membres du jury. Il va voir Proust d'ailleurs, il aperçoit la silhouette de Proust, mais Proust ne peut pas le recevoir, il est mourant. Il voit Gide, et Gide lui dit « Oui, je sais que vous avez écrit des livres de guerre, mais pour moi, la littérature de guerre, c'est pas de la littérature. » Voilà. Surtout quand elle est écrite de façon extrêmement réaliste et encore une fois avec le moins d'effets possible. Mémoire de guerre, c'est pas la littérature. Il y a beaucoup de ça part de la guerre, c'est pas la littérature. Mais en revanche, votre Rémy Desroches, c'est admirable. Mm. Hein, il encourage pour le Goncourt, etc. En revanche, Junger, c'est admirable, dit aussi alors, André Gide, ce qui est étrange. Donc, quand on lit le journal de Gide, hein, en 41, il reçoit Ernst Junger chez lui à Paris, rue Vaneau. Alors, Junger, c'était mis en civil. Mais il était officiellement occupant la France. Hein. Et Gide le reçoit, et c'est Gide qui le raconte lui-même. Et dit à Junger, vos livres de guerre sont admirables. C'est les plus beaux et qui étaient écrits sur cette période. Il dit ça à l'officier allemand qui occupe la France. Et Genevoix, évidemment, a lu cela dans le journal de Gide. Il n'en a jamais parlé. Une boule de vêtements par terre, une barbe hirsute qui se retourne, des yeux pâles qui me regardent vaguement. C'est Carichon, l'adjudant de bataillon. On s'embête, me dit-il. Sa pipe aux lèvres, il crache et il ronchonne à travers sa barbe. C'est dégoûtant, cette pipe. Pourquoi fumez-vous alors ? Je n'en sais rien. Tellier me dit, les obus encore je m'en fiche, mais ces sacrées balles, que je mette seulement un doigt dans le trou de ma joue, tu comprends ? Moline sourit comme d'habitude, mais ce n'est plus le même sourire, paterne et narquoisement bonhomme. On va pourtant, exulte-t-il, se frotter à leur peau de cochon. Et il sourit de plus en plus. À la soupe ! C'est vrai, il est l'heure de manger. Presque 10 heures, on n'y pensait plus. Parmi les biens, Petit Brune ne mange guère, Gerbeau non plus, ni Bouharé. Les autres mangent. Interpelle violemment Pinard, réclame, rouspète et l'injurie. Heureusement qu'on le laisse en bas, celui-là, il nous ferait arriver malheur. Quoi, grogne Pinard, tu vas pas dire que je me dégonfle des fois? Si tu le demandes, c'est peut-être que c'est vrai. Moi, hurle Pinard, rouge de colère, moi, bon Dieu, trouvez-en un cuistot. V'là des gens que je nourris depuis le premier jour de la guerre. Je me dégonfle, moi, que tu dis? Moi, que je vous ai porté la soupe à l'heure n'importe où et n'importe quand, au plus fort que ça bardait, au bois des éparges, hein, je vous ai pas porté la soupe. Et demain, quand vous serez là-haut, je vous porterai pas la soupe. Trouvez-en un malheur de cuistot quand je vous ai relaissé tomber. De ceux de 14, lu par Maurice Genevoix lui-même. Est-ce que c'est un document historique aussi, Michel Bernard? Si Gide ne considère pas que c'est de la littérature, peut-être aurait-il pu considérer que c'était un document pour l'histoire. Un document ethnologique, on l'entend là. Hein. C'est la vie quotidienne dont il parle. Oui, et puis les auteurs de ceux de 14, quand on regarde rapidement le livre, on l'ouvre n'importe où, c'est un livre de dialogue. En réalité, Genevoix a écrit la partie en prose, mais les deux tiers du livre ont été proférés par les hommes. Les auteurs de ceux de 14, pour une grande partie, c'est les hommes qui parlent. Donc c'est des notes qu'il a prises sur ses carnets ? Il ne les a pas prises en notes. C'est sa mémoire. Il était doué d'une mémoire pas ordinaire. Il devait être hypermnésique. Et deux, la brutalité, le caractère extraordinaire des événements dans lesquels il se trouve imprime ce qu'il voit, ce qu'il entend, les choses en lui, comme les projectiles dans la glaise. Hein. Ça reste en lui. Et donc, ce cuistot qu'il fait parler, sans doute 2 ou 3 ans après qu'il l'ait entendu, il l'entend exactement comme il a parlé. Donc, on a véritablement une sorte d'enregistrement des Français qui ont entre 20 et 30 ans et qui sont sur le front. Alors, est-ce qu'il a du coup convaincu les historiens ? Est-ce que les historiens se sont emparés de ce document ? Heureusement qu'il y avait des historiens pour Genevoix. Parce que l'université, au plan littéraire, c'est peu, je dis peu par précaution, hein, on pourrait dire pas du tout, intéressé à Maurice Genevoix. En revanche, les historiens, c'est un document de premier plan. Ils le traitent comme un document, mais ils voient bien que c'est très beau en même temps. Hein. Donc c'est vraiment un ouvrage de référence et pour les historiens de la période de chevet aussi. Parce qu'il y a d'autres livres de cette époque qui racontent la même chose. On a parlé de Junger côté allemand, mais côté français, il y a Barbus, il y a Dorgelès. C'est un petit peu comme si chacun de ces écrivains-là voyait la guerre d'une certaine façon. C'est pas la même chose, la guerre de Genevoix et la guerre de Barbus ou celle de Dorgelès? C'est la même guerre. Hein. Alors, ils sont pas exposés de la même manière. Dorgelès, si, est aux tranchées. Barbus est brancardier. À un moment donné, il est volontaire pour se battre. Hein. Il veut avoir l'expérience du combat, et il l'a en Artois, participe à la bataille de Crouy, qui est épouvantable. Non, ils ont une expérience de la guerre qui est relativement commune. Celle de Genevoix est extrême, hein, la bataille des Éparges, c'est vraiment un des moments les plus épouvantables de la guerre de 14. Mais le point de vue est différent. D'abord, Genevoix part à 24 ans, alors que Barbus, il a 40 ans, et Dorgelès, déjà à 28, il a tout près de la trentaine. Dorgelès est déjà journaliste, c'est quelqu'un qui publie, et Barbus est un écrivain, et un écrivain très remarqué. Il a failli avoir le prix Goncourt pour L'Enfer quelques années auparavant. Il est vice-président de la Société des gens de lettres. Il est le gendre de Catulle Mendès, qui est une sommité à l'époque. Hein. Enfin, il est mort, mais il a rayonné sur les lettres françaises toute la fin du XIXe siècle. Donc Barbus est une personnalité littéraire. Ils partent tous les deux, Dorgelès et Barbus, de façon avouée pour faire leur devoir de citoyen, mais j'allais dire surtout, mais aussi pour revenir avec un livre. C'est clair. Avec un livre et puis avec une thèse à défendre. Alors, ils partent avec leur dirais les Allemands, leur Weltanschauung, hein, leur vision du monde. Hein. On sait quelle était celle de Barbus. Celle de Dorgelès, c'est plus flou, hein, c'est Montmartre, etc. Donc Barbus était... Hein, Barbus était très à gauche. Hein, il était communiste. On le qualifierait d'extrême gauche aujourd'hui. Donc pour lui, la guerre de 14, c'est une guerre capitaliste. Et c'est ça aussi qu'on lit dans son livre. Il dit quelque chose qu'on n'arrive plus à comprendre aujourd'hui. Je vais faire la guerre pour faire la guerre à la guerre. C'est ce que disent beaucoup de gens d'extrême gauche qui s'engagent. Ils ne veulent pas avouer que l'expérience les happe. Barbus veut faire une démonstration. C'est clair, on a les lettres de Barbus à sa femme, et il raconte comment il écrit. Et par exemple, dans Le Feu de Barbus, il y a beaucoup de dialogues aussi. Les soldats parlent. Eh bien, on sait que Barbus, lui, relevait les expressions pittoresque de ses camarades. Et il en faisait une sorte de collection. Et il les a ensuite mis bout à bout. D'où ce langage très imagé qu'on a dans Le Feu, assez extraordinaire, bourré d'argot, et qui est très largement un argot parisien, et qui ne ressemble pas en réalité à la manière dont parlaient les soldats français. Mais alors, quel est l'écrivain de la Grande Guerre, le grand écrivain de la Grande Guerre? Pour vous, c'est évidemment Maurice Genevoix, mais ça n'a pas été très évident pendant très longtemps. Et vous rappelez quand même qu'il y a quelqu'un dont il faut parler un petit peu, qui s'appelle Jean Norton Crewe, qui est franco-américain et qui a beaucoup aidé, ou qui en tout cas a vu avant les autres, l'importance de ceux de 14. Il a publié un ouvrage fondamental qui s'appelle « Témoins » en 1929, dans lequel il analyse minutieusement environ 300 écrits de guerre. Alors il faut dire qui était ce personnage qui a une vie assez extraordinaire. C'était un professeur qui était français d'origine, mais de mère anglaise, et qui avait émigré aux États-Unis et qui enseignait la littérature comparée aux États-Unis. À la déclaration de guerre, il est très vite revenu en France et il s'est engagé. Fidèle à ses origines ardéchoises. Donné de sa personne, ah oui, alors qu'il n'y était pas obligé. Il a fait quand même 4 ans. C'est un engagé volontaire. Mmh. Et il fait 4 ans de guerre et il fait la bataille de Verdun. Il participe à des moments extrêmement durs de la guerre comme combattant. Et donc il est, lui aussi, et bon, tous ces gens sont des grands traumatisés par la guerre, il est révolté, lui, il est protestant, hein, et il est révolté par les sottises que l'on raconte sur la guerre. Le discours patriotique, le discours défaitiste, bref, tous ces discours plaqués sur du vivant, et qui le déforment, alors que la réalité est effroyable, et pour en rendre compte, il faut la dire comme elle est. Sans la minorer, sans en rajouter non plus. Il faut dire ce que l'on a vu et ce que l'on a entendu. Ce que fait Genevoix. Ce que fait Genevoix. Et donc il passe toute cette littérature de guerre au crible de la vérité, mais de façon très minutieuse. Hein. Vraiment, c'est un travail de bénédictin. Et émerge Genevoix et un autre écrivain qui était un ami de Genevoix, qui était normalien aussi. Il dit il y a deux grands textes. Le deuxième grand texte, c'est « Nous autres avons quoi ?» de André Pézard, qui est admirable. Tout homme est solidaire. C'est-à-dire que les hommes montent au front, à la bataille. Ils entendent la bataille qui est de l'autre côté de la colline. Ils entendent ce que Genevoix décrit, ce pétillement lointain. Et on mesure leur angoisse. Ils marchent, ils se regardent, ils sont en silence. Ils montent vers la bataille. Et puis, ils attaquent. C'est encore la bataille en plein champ. C'est pas encore la guerre de tranchées. C'est-à-dire, faut savoir que en 15, quand Genevoix est laissé pour mort, l'armée française a perdu plus de la moitié de ses soldats. Peut-être les deux tiers. à peu près. Après, il y aura Verdun, il y aura Nivelles, tout ça, mais le massacre, c'est au début. C'est tout au début, c'est un massacre absolu. Donc ces hommes montent, et bien entendu, Genevoix, la première sensation qu'il a, c'est qu'ils sont obligés de se coucher, et il sent quelque chose derrière lui, et il voit ces hommes qui le regardent avec une attention extraordinaire. Extraordinaire. Et c'est là qu'il devient un chef. Le chef, c'est celui qui empêche la panique des hommes. Et la deuxième chose qui lui arrive, c'est qu'il charge après, donc, il commande la charge avec son képi dans une main, son sabre dans l'autre. Il est subjugué, il est enthousiasmé, il est... Tout à l'heure, on parlait, je vous écoutais, c'était formidable, ce qui était dit sur la sensualité de la guerre. Il y a quelque chose de sexuel qui le porte. Mais ces jeunes voix aussi, il a senti ce trouble bizarre qui fait que dans le corps à corps, eh bien, le corps à corps, quoi. Et donc, et tout à coup, il y a quelque chose, il y a un trou immense à côté de lui. Il n'ose pas se retourner et il y a un homme qui vient de tomber. Mmh. Et il le regarde et cet homme, il fait comme ce que font tous les hommes qui tombent, c'est-à-dire qu'il racle la terre de ses ongles et il y a ses jambes qui s'agitent. Et là, il a la conscience que la vie est une unité. Il parle du vide. Il y a des phrases exactement, qui sont d'une beauté. Il dit tout à coup, il sent comme un vide à côté de lui. Et il a compris que l'espèce humaine est une. Et nous sommes tous vivants, nous sommes tous l'espèce humaine, et l'espèce humaine est en chacun de nous. Bernard Maris, qui a épousé la fille de Maurice Genevoix, et ce qu'il dit sur le massacre pendant la guerre de 14 prend une teinte évidemment très sombre quand on sait que moins de 2 ans après cet entretien dont on vient d'entendre un extrait à Blois avec Stéphane Paoli, Bernard Maris allait tomber lui aussi sous les balles, celles des terroristes de Charlie Hebdo. Qu'est-ce que vous retenez de ce qui vient d'être dit par Bernard Maris, Michel Bernard ? Je suis ému parce que j'entends la voix de Bernard qui était un ami très, très cher. Et il dit bien, je crois qu'il faut, on parlait de Junger, et le livre de Bernard portait sur un parallèle entre Junger et Genevoix. Genevoix le gentil et Junger le méchant. Non, Genevoix est un vrai guerrier. Et Bernard le rappelle. Genevoix est un véritable guerrier. Il y a deux. Il y a en même temps celui qui se bat et en même temps il y a celui qui est un peu au-dessus et qui entend et qui voit. Mmh. Hein? Il y a en même temps celui qui tue et celui qui est dégoûté par la guerre. C'est en même temps. Je crois qu'il faut arriver à maintenir cette tension et ne pas vouloir essayer de la résoudre en disant il est comme ci ou comme ça. Non. Je crois d'ailleurs que ça aide à mieux comprendre pourquoi cette guerre a duré 4 ans, pourquoi elle était si effroyable. Mais alors il y a quand même une question difficile, Michel Bernard, c'est est-ce que ça sert à quelque chose pour la littérature de traverser des épreuves si dures ? Est-ce que ça fait des grands livres ? De vivre ces choses-là, ou est-ce que ça ne sert à rien ? Il vaudrait mieux qu'elle n'ait pas lieu, hein. C'est certain. On peut se demander, est-ce que s'il n'y avait pas eu la Grande Guerre, Genevoix serait devenu écrivain ? Il est probable que sur le plus tard, il aurait publié des livres. C'est probable. Quand on a un talent comme ça, ça finit par émerger. Mais ça aurait été beaucoup plus tard. Il aurait d'abord certainement développé une carrière universitaire, sans doute brillante, et il aurait écrit. Sur ses livres de nature, oui. Hein, parce qu'il y a, quelque chose de très, très profond chez lui et qui transparaît dans ceux de 14, qui apparaît franchement dans ceux de 14. C'est aussi un livre de nature. La nature est très présente. Alors, il y a sa beauté apaisante et il y a sa dévastation. Et les animaux sont extrêmement présents. On parlait de la spécificité du livre de guerre de Genevoix de ceux de 14, mais il n'y a pas un livre de guerre où les animaux soient si présents. Il y a peut-être le livre de Claude Simon sur la guerre de 39, oui, où les animaux sont beaucoup là quand même. Oui, mais là, vous avez par exemple ce cheval gris qui erre dans les ruines des Éparges. Ça prend plusieurs pages. Et Genevoix raconte comment il essaie de le faire passer de l'autre côté de la mairie-école pour qu'il soit mis à l'abri des tirs allemands. Et puis il revient à une relève quelques jours après et il voit le cheval gris étendu sur la prairie. Il a été tué. Hein? Ce cheval aveugle d'ailleurs. C'est la chouette qui dort dans le clocher des Éparges. Et semaine après semaine, au fil des relèves, il voit le clocher petit à petit démoli. Et un jour, il n'y a plus de clocher. Il n'y a plus de chouette. Hein? La merlette qui vole dans un haillon, dans un haillon de la forêt, hein, devant les soldats qui viennent, qui sortent de l'abattoir, hein, et qui volent devant eux, et il a un sentiment d'allégresse en la voyant voler. Donc, c'est un grand livre de nature. L'extase de la nature est là. Et elle est une forme d'apaisement. On a l'impression que le ciel, parfois, fait pansement sur les hommes. Hein. C'est un très beau livre de nature aussi, ce de 14. Alors on en parlera de la nature demain aussi avec Jacques Tassin. Pour revenir sur cette idée de l'expérience et de la pauvreté de l'expérience, je voulais citer quand même le nom de Walter Benjamin qui a parlé de ça justement, du fait que c'est pas parce qu'on revient plus riche d'une expérience traumatisante qu'on est en réalité plus riche, non, on est en réalité plus pauvre. Ah, alors j'ai une voix qui disait tout à fait le contraire. La mort des hommes qui étaient près de lui, qu'il avait connu, était une souffrance, mais il avait le sentiment qu'elle l'avait enrichi, lui. Elle lui avait été léguée comme une souffrance, mais qu'elle le faisait plus homme. Et c'est ce qu'il a dit, hein. La mort des autres, de ses camarades, l'a fait plus homme, responsable en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'il s'est enquiquiné toute sa vie, à aller faire des discours, alors que sa passion, c'était de se balader le long de la Loire. D'aller au restaurant avec des amis, c'était un homme, un vivant. Il s'est enquiquiné, à prendre le train, faire des discours, alors qu'il est secrétaire perpétuel. Apprendre la présidence de beaucoup d'associations. Accepter de présider, de parrainer telle ou telle chose, de se couvrir d'obligations, pas drôle, parce qu'il était responsable, il avait cessé toutes ses vies à l'intérieur de lui-même. Alors, c'est quand même l'avènement d'un type d'écrivain qui n'existait pas en tant que tel avant, ou enfin il fait partie des gens qui inaugurent un petit peu l'ère du témoin, pour reprendre un terme dont Annette Vivorka parlera beaucoup d'années plus tard. Mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là, d'un tournant de la littérature qui, même s'il y a une grande discrétion de Genevoix et qu'il emploie très rarement la première personne, il inaugure quand même un peu l'ère du témoin, Michel Bernard. Oui, on peut dire, on le qualifie souvent de grand témoin, oui, effectivement. Et un témoin, il est un des personnages de ce 14, le lieutenant Genevoix apparaît, mais une sorte de dédoublement. Et le jeu qu'il prononce est une sorte de jeu atténué. Au premier plan, il y a ceux dont il est le témoin, qu'il voit. Littéralement, il y a quelque chose de quasiment christique. Il est l'apôtre de ces hommes, de ces Christs qui meurent. Très souvent, dans les descriptions qu'on a des agonisants, on retrouve des termes de qui sont ceux du Nouveau Testament. Il est souvent en situation de piéta. Il a la tête de l'homme qui meurt sur les genoux, lui-même ou un de ses camarades. Il y a, oui, une dimension christique, effectivement, dans ce 14. Alors, vous racontez bien, dans votre livre « Pour Genevoix », que vous, c'est par la dictée, à l'école, que vous avez appréhendé pour la première fois cet écrivain. Il a eu cette postérité-là aussi. Oui, qui est une noble postérité. Hein. Des millions de Français ont appris à lire et écrire avec Maurice Genevoix. C'est un sort très enviable pour un écrivain. Merci beaucoup Michel Bernard. Je voudrais quand même qu'on glisse encore un tout petit mot de ce que vous dites dans votre livre qui est très beau, sur les larmes que vous avez versées en écoutant et surtout en lisant, en écoutant peut-être les archives, mais en lisant les textes de Maurice Genevoix. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut peut-être redire aux auditeurs, qu'il faut refaire l'expérience de ceux de 14, et c'est peut-être aussi par cette émotion qu'on comprend le mieux le livre. Un mot peut-être là-dessus. Oui, c'est un texte qui fait pleurer, oui. Merci beaucoup Michel Bernard. Je rappelle que vous avez préfacé ceux de 14 de Maurice Genevoix dans l'édition de poche GF Flammarion. On vous doit aussi le livre Pour Genevoix, c'est aux éditions de la Table Ronde. Tout de suite, en compagnie des revues. Des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et en compagnie de Jérôme Dupuis du magazine L'Express. Bonjour Jérôme. Bonjour Mathieu. Vous allez nous parler aujourd'hui du mythe Alexandra David-Neel. Oui, en effet, il existe un mythe Alexandra David-Neel. On en connaît les grandes lignes. L'intrépide voyageuse qui est entrée déguisée dans la cité interdite de Lhasa en 1924. Les expéditions au Tibet, les rencontres avec le Dalai Lama, l'acclimatation du bouddhisme en France. Et puis la retraite centenaire dans son petit nid d'aigle près de Digne. Ses livres, notamment « Voyage d'une Parisienne à Lhasa » ont été des grands succès de librairie. Une biographie que l'on pourrait qualifier de critique présente aujourd'hui un autre visage de celle qu'on a parfois surnommée « la femme aux semelles de vent ». Elle est signée Marion d'Absence, docteur en anthropologie qui a enseigné à Columbia. Alors quel portrait dresse-t-elle d'Alexandra David-Neel ? Alors, elle montre d'abord que Alexandra David-Nel a eu un parcours très erratique avant de s'intéresser au bouddhisme. Louise David, c'est son nom de jeune fille, a grandi dans un milieu très empreint d'anarchisme et de franc-maçonnerie. Elle a été chanteuse d'opéra, notamment en Indochine, à la fin du XXe siècle. Elle s'est essayée au roman, sans grand succès. Et puis, elle avait sans doute un fond un peu dépressif. Et puis, parallèlement à ça, elle a entamé un très long et assez tortueux cheminement spirituel. On pourrait même dire, pour s'amuser, qu'elle a à peu près tout essayé. Le christianisme, le protestantisme, l'anarchisme, la théosophie, l'occultisme, le féminisme, la franc-maçonnerie. Jusqu'à ce qu'elle parvienne au bouddhisme, mais de quelle façon ? Alors, il y avait à la fin au début du 19e, du 20e siècle, pardon, à Paris, un bouillonnement intellectuel autour du musée Guimet et des croyances asiatiques. Entre-temps, Louise David avait épousé un riche ingénieur des chemins de fer, Monsieur Neal, ce qui lui a conféré une certaine liberté matérielle, et elle s'est donc immergée dans ce milieu. Et puis elle a décidé d'aller étudier le bouddhisme à la source, au Tibet, une démarche rarissime à l'époque, surtout pour une femme. Cela lui vaudra donc de rencontrer personnellement le Dalai Lama et de recevoir les enseignements de maîtres spirituels. Alors en quoi est-ce qu'on peut dire que la biographie de Marion d'Absence, c'est une biographie qui est aussi critique, hein, Jérôme ? Alors c'est une biographie intellectuelle basée essentiellement sur les écrits et la correspondance d'Alexandra David-Nel, qui montre combien ce bouddhisme était en fait une réaction au christianisme. La religion orientale offre à Alexandra David-Nel une sorte de spiritualité détachée des canons bibliques, et elle est par ailleurs compatible avec une certaine forme de socialisme vers lequel elle incline naturellement. À sa manière, donc, plus qu'une pionnière d'un bouddhisme fidèle, Alexandra David-Nel serait plutôt la première à adapter cette religion à la sauce européenne, comme le feront plus tard nombre de ses successeurs, notamment autour de la pratique de la méditation. Donc c'est une biographie qui écorne, au fond, le mythe Alexandra David-Nel, vous iriez jusqu'à dire cela ? Oui, à petite touche, on sent d'ailleurs que Marion d'Absence est un peu agacée par le personnage, par le mythe, par sa postérité. Et surtout, elle pointe la contradiction entre cet élan mystique asiatique et puis une forme de matérialisme, au contraire, très hostile à toute religion. C'est un peu comme si le bouddhisme était une sorte de supermarché spirituel dans lequel chacun irait puiser ce qui l'arrange en réaction à une certaine philosophie occidentale. On peut donc dire en ce sens que cette biographie critique s'inscrit parfaitement dans le sillage du précédent essai de Marion d'Absence qui était intitulé « Quand il fait du bouddhisme ». Alexandra David-Nel, l'invention d'un mythe, un livre de Marion d'Absence qu'on peut trouver aux éditions Bayard. Merci beaucoup Jérôme Dupuis, on retrouve votre signature dans les pages du magazine L'Express, notre partenaire. La Compagnie des œuvres vous était proposée aujourd'hui par Laurence Genepin, Laurence Millet, Anne-Vanessa Prévost, Hélène Rivière, Didier Pinault et Marie-Claire Oumabadi. Une compagnie Maurice Genevoix, donc cette semaine qui se poursuivra demain avec l'évocation du rapport à la nature de l'écrivain. Notre invité sera Jacques Tassin. Ce soir, dans le feuilleton, ne manquait pas le fantôme d'Asiadé de Pierre Loti. C'est le deuxième épisode d'une série de 5 et vous pouvez aussi réécouter la Compagnie des œuvres que nous lui avons consacrée à Pierre Loti il y a quelques semaines.